Je me levais de grand matin quand le soleil se couche et tralala et tralala. Je me levais de grand matin quand le soleil se couche. Je m'en fus dans mon jardin pour y cueillir des framboises, tralala et tralala. Je m'en fus dans mon jardin pour y cueillir des framboises. J'aperçus un cerisier qui était chargé de poires, tralala et tralala. J'aperçus un cerisier qui était chargé de poires. J'envoyai mon bâton dedans, il en tomba des figues, tralala et tralala. J'envoyai mon bâton dedans, il en tomba des figues. La bonne femme arriva, me dit de ramasser mes prunes, et tralala et tralala. La bonne femme arriva, me dit de ramasser mes prunes. Elle envoya petit chien barbé, hélas, pour me mordre, et tralala et tralala. Elle envoya petit chien barbé, hélas, pour me mordre. Il mordit au talon, je saignis par l'oreille, et tralala et tralala. Il mordit au talon, je saignis par l'oreille. Quand vous passerez par chez nous, verrez la poule qui file, et tralala et tralala. Quand vous passerez par chez nous, verrez la poule qui file. Et le petit chien tire la tintin qui fait la cuisine, et tralala et tralala. Et le petit chien tire la tintin qui fait la cuisine. Et les mouches au plafond qui s'étouffent de rire, et tralala et tralala. Et les mouches au plafond qui s'étouffent de rire. Il y en a une qui a tombé, qui s'est cassée la cuisse, et tralala et tralala. Il y en a une qui a tombé, qui s'est cassée la cuisse. On la porte à l'hôpital avec ses deux béquilles, et tralala et tralala. On la porte à l'hôpital avec ses deux béquilles.